La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Il y a plus de 3 millénaires, les artisans du bronze fabriquaient déjà des armes pour tuer. Ce sont les premiers objets comme l'épée, spécifiquement dédiés pour tuer d'autres humains. Et même si des conflits meurtriers se sont déroulés bien avant, cette période du bronze marque une nouvelle étape dans le progrès technologique avec la naissance du concept de guerre tel que nous le connaissons. L'archéométallurgiste Anne Loerf enseigne la proto-histoire européenne à l'université de Lille. Elle est mon invitée dans un instant pour nous entraîner dans cette Europe du métal qui va nous permettre donc la fabrication d'armes nouvelle et entraîner de profonds changements dans la société. Elle publie Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre aux éditions Belin. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une aujourd'hui, Héloïse, des explications sur le dialogue entre notre ventre et notre cerveau lorsque nous sommes à table. Oui, les scientifiques comprennent désormais pourquoi ce dialogue se rompt chez certaines personnes, ce qui les amène à ne plus recevoir les messages de satiété et donc à avoir des difficultés à contrôler leur appétit. Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Sophie Vaux. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Anne Loerf. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes archéologue et historienne et vous publiez ce livre Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre. Ça sort chez Belin. Les armes à elles seules peuvent donner des renseignements très précieux pour comprendre les sociétés humaines de nos ancêtres européens, par exemple. Oui, tout à fait, dans la mesure où elles ont des formes particulières qui évidemment indiquent à la fois des fonctions, des fabrications, et puis la rencontre entre ces objets et des utilisateurs qui ont donc été sur des champs de bataille. Oui, donc on va explorer tout cela, on va voir pourquoi justement un jour la guerre a commencé, hein, ce qui a pu modifier justement ces sociétés, et quels sont les objets aujourd'hui que retrouve l'archéologie et qui renseignent sur cette histoire. On en parle avec les auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré. À tout de suite. Héloïse, grâce à l'étude dont nous parlons aujourd'hui à la Une de la Science, on va mieux comprendre pourquoi les excès alimentaires en appellent souvent d'autres, et ça n'est pas le manque de volonté qui est en cause. Non Mathieu, ce serait plutôt une brouille, un sévère manque de communication entre le ventre, bien connu maintenant pour être notre deuxième cerveau, et le cerveau du haut. Une équipe de scientifiques de l'université de Louvain en Belgique ont disséqué les dysfonctionnements biologiques qui poussent les personnes qui ont un régime trop riche en graisse à manger plus que de raison et donc à prendre du poids. Les travaux sont publiés dans la revue Nature Communication. Nous sommes au téléphone avec Patrice Cani, un des auteurs de l'étude. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain, chercheur au Fonds national de la recherche scientifique en Belgique. Donc, alors, quand tout se passe bien dans l'organisme, notre ventre informe notre cerveau qu'on a assez mangé, qu'il est temps de poser sa fourchette. Hein, c'est bien ça. Comment cette communication fonctionne-t-elle ? Alors, vous avez effectivement différents mécanismes qui envoient des signaux de la part de votre intestin vers le cerveau en informant de ce que vous avez mangé. Et en quelque sorte, des hormones qui vont être produites par l'intestin peuvent circuler et atteindre le cerveau. Et lorsque vous mangez, en quelque sorte, des graisses principalement, ici dans notre discussion, vous pouvez avoir des signaux qui vont vous dire « stop, je n'ai plus faim ». Ça, c'est quand tout fonctionne correctement. C'est une enzyme qui permet ce rôle de communication ? Exactement. Donc en fait, vous allez recevoir de la part de votre cerveau des informations qui vont vraiment vous donner soit l'envie de manger, soit l'arrêt complet, cette satiété. Et au-delà de cela, vous avez aussi des mécanismes on parle ici de mécanismes de récompense. Mais le mécanisme dont je parle est vraiment celui que vous ressentez au jour le jour, chaque fois que vous mangez, c'est ce système qui permet de dire à votre cerveau que vous avez reçu suffisamment d'énergie. Alors, en revanche, chez certaines personnes qui consomment trop de graisse, cette belle mécanique se grippe. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas ? Alors en fait, ce qu'on a découvert, c'est que lorsque vous mangez un régime trop riche en graisse, il y a une enzyme dans votre intestin dont l'activité est diminuée et elle ne produit plus ces fameuses molécules qui informent votre cerveau qui leur dit en fait « stop, je n'ai plus faim ». Et cette prise de graisse, lorsqu'elle est continue, en l'occurrence la plupart du temps quand on parle d'une mauvaise alimentation, eh bien cette enzyme ne se remet plus du tout en fonction et on entre dans un cercle vicieux, vous perdez cet axe intestin-cerveau de communication qui vous dit stop, je n'ai plus faim. L'implication de cette enzyme spécifique, vous avez pu la démontrer scientifiquement ? Alors exactement, d'un point de vue expérimental, on a créé un modèle animal qui ne possède plus du tout cette enzyme dans son intestin. Et lorsqu'il est mis face à un régime riche en graisse pour la première fois, eh bien cet animal va continuer à manger. Il ne s'arrête pas de manger et évidemment la résultante, c'est une prise de poids, une obésité et même un foie gras. Alors cet animal, Patrice Cani, c'est une souris. Hein. Exactement. Ouais, on peut transposer vraiment à l'homme ce qu'on observe chez la souris en l'occurrence ? Alors évidemment c'est toujours difficile de transposer avec exactitude ce qu'on observe chez l'animal de laboratoire à l'homme. Ce que je peux vous dire c'est que chez l'homme, on a déjà observé clairement que les taux circulants, donc la présence de ces hormones dans le sang, en l'occurrence produites par ces hormones, sont plus basses au cours de l'obésité et du diabète de type 2. Donc on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait un lien entre évidemment l'alimentation et surtout la diminution de l'activité de cette enzyme. Et pour revenir à la souris, justement, vous êtes allé encore plus loin, vous avez pu voir ce qui se passait dans son cerveau. Oui, évidemment, quand on parle de l'axe intestin-cerveau, il faut pouvoir démontrer cette modification au niveau cérébral. Alors on a imaginé un système qui nous permet de vérifier à l'intérieur de l'hypothalamus, donc c'est cette zone du cerveau qui contrôle l'appétit, quels sont les neurones qui étaient activés de manière physiologique. C'est-à-dire quand vous mangez, vous avez dans votre cerveau, tout un chacun, et pour le coup c'est vrai chez l'homme également, des neurones qui vont être activés, ces fameuses neurones de la zone anorexigène. Chez ces animaux, on observe qu'en absence de cette enzyme, eh bien, cette zone du cerveau n'est absolument pas activée. Et la désactivation de ces neurones, elle a d'autres conséquences sur le corps, à part la dérégulation de la satiété ? Tout à fait. Donc cette partie du cerveau contrôle non seulement l'appétit, mais contrôle également la dépense énergétique. En d'autres mots, ici, nous avons un système qui permet de réguler l'appétit, la prise alimentaire, l'entrée de l'énergie dans l'organisme, mais également la dépense énergétique au repos. Et quand ce système n'est plus activé, ou n'est pas activé en l'occurrence, eh bien, l'animal, et même la personne, ne ressent plus cette sensation de satiété et finalement dépense également moins d'énergie. Tout concourt vers une augmentation de la prise de poids. Donc tous ces mécanismes que vous décrivez, ça explique alors pourquoi c'est si difficile de maigrir et pourquoi on reprend facilement du poids après un régime. Oui, en tous les cas, c'est une hypothèse que nous avons. Effectivement, quand vous imaginez que ce système contrôle à la fois la prise alimentaire et la dépense énergétique, lorsque vous allez inhiber ou diminuer l'activité de ce système, c'est ce qui se passe d'ailleurs lorsque vous continuez à manger un régime riche en graisse, il est très très difficile, lorsque vous arrêtez de manger ou que vous essayez de faire un régime, de récupérer cette signalisation très importante pour la régulation du poids corporel. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de ce fameux yo-yo, il n'est pas impossible d'ailleurs que ces signaux ne puissent pas réapparaître correctement et finalement on enraye la machine. Il va falloir dépenser plus d'énergie pour perdre la même quantité de poids ou en l'occurrence être encore plus drastique en termes de régime hypocalorique pour avoir le même effet. Et oui, c'est là qu'il vient la difficulté. Justement, Patrice Cani, on a souvent dit à cette antenne à quel point les régimes pouvaient être délétères, justement, et la multiplication, justement, de ces effets yo-yo. Est-ce que votre étude, finalement, le confirme sur le fait de déréguler ce mécanisme que vous venez de nous décrire ? Alors, évidemment, c'est toujours facile à dire, et même d'un point de vue thérapeutique, c'est toujours très très compliqué de prendre en charge l'obésité et le surpoids, justement à cause de ces différentes difficultés. Alors ici, on pointe un mécanisme potentiellement intéressant. Je ne pense pas qu'il faut lancer de faux espoirs non plus, mais néanmoins, cette expérience nous laisse penser que des mécanismes de régulation de la prise alimentaire et de la dépense énergétique pourraient être ciblés. Juste une précision, depuis le début, on parle de graisse. De quelle graisse on parle exactement ? Lesquelles sont les plus nocives pour notre système enzymatique ? Alors évidemment, ici, c'est vraiment une question importante que vous pointez ici. Quand on parle des graisses, celles qui ont l'effet le plus délétère, ben je ne vais rien vous apprendre, ce sont ces fameuses graisses saturées, alors que les fameuses graisses polyinsaturées de type, par exemple, acide gras oméga 3, ces fameuses huiles de poisson, par exemple, ont un effet tout à fait inverse. Donc je dirais que les graisses saturées, comme on le savait pour les risques de maladies cardiovasculaires, sont aussi délétères pour l'activation de cette enzyme, ils diminuent son activité, tandis que les graisses polyinsaturées de type oméga 3 ont plutôt un effet inverse et bénéfique cette fois-ci. Mais il y a un effet de réversibilité dans ce que vous décrivez. Quand le dialogue intestin-cerveau a été endommagé, il est possible de le réparer ? Alors, expérimentalement, on démontre dans les modèles animaux que si vous cessez le régime riche en graisse saturée, vous pouvez récupérer après quelques semaines une signalisation de l'axe intestin-cerveau qui est restaurée de manière adéquate. Donc je dirais qu'on pourrait extrapoler cela, mais probablement au long cours, chez des personnes qui, cette fois-ci, entament un régime hypocalorique, mais pris en charge correctement, c'est bien là la difficulté, on pourrait imaginer récupérer effectivement une meilleure signalisation, une meilleure, d'ailleurs, sensation de faim et de satiété. Lorsque vous êtes face à un régime hypocalorique drastique, vous perdez aussi cet axe intestin-cerveau. Vous entrez dans une situation où le corps est en stress. Et c'est là qu'il se trouve évidemment le problème. Et quand on parle de l'axe intestin-cerveau, on pense souvent au microbiote intestinal. On en parle beaucoup en science. Est-ce qu'il a un lien avec vos travaux ? Oui, il est vrai que nous travaillons sur le microbiote intestinal depuis une vingtaine d'années au laboratoire. Je dirais bien avant qu'il acquiert ses lettres de noblesse. Dans ce cadre, ici, dont l'expérience nous montre que le régime riche en graisse effectivement modifie la composition du microbiote intestinal. Et lorsque ces souris ne possèdent plus cette enzyme, elles ont également une dérégulation de ce microbiote intestinal. D'ailleurs, on a utilisé un outil, on utilise une bactérie qui porte un nom un peu particulier qui s'appelle Ackermansia. Cette bactérie, lorsqu'on l'administre aux animaux, eh bien on restaure le dialogue intestin-cerveau, démontrant en quelque sorte qu'en jouant sur ce microbiote intestinal, on peut probablement aussi améliorer la signalisation entre l'axe intestin et cerveau en améliorant différents mécanismes, cette fois-ci indépendants de cette enzyme. Allez, une dernière question, Héloïse. Alors, vous l'avez dit, on ne peut pas donner de faux espoirs aux personnes obèses, mais est-ce que vos travaux, quand même, ouvrent des pistes thérapeutiques intéressantes ? Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs pistes que l'on pourrait explorer. D'abord, le fait que les molécules qui sont produites par cette enzyme et qui diminuent l'appétit existent déjà au niveau de certaines sociétés pharmaceutiques qui démontrent leur efficacité chez l'homme pour la régulation de l'appétit. Et d'autres molécules qui sont utilisées aussi, cette fois-ci dans le cadre de l'inflammation intestinale, pourraient très bien être testées chez l'obèse qui n'a pas encore été le cas. Et puis, finalement, modifier la composition du microbiote à l'aide de notre alimentation reste probablement la piste la plus intéressante et la plus abordable. Merci Patrice Cagny pour vos précisions. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain et chercheur donc au Fonds national de la recherche scientifique. Merci beaucoup Héloïse. Merci Mathieu. Et dans un instant, notre dossier consacré aujourd'hui au jour où l'homme inventa la guerre. Se survoler à bon. Kiev, c'était extrait de son dernier album Vanessa Paradis sur France Inter. La tête au carré, Mathieu Vidard. Anne Lehoeuf, vous êtes archéologue et historienne, professeure des universités à Lille et spécialiste de la proto-histoire et de la métallurgie du bronze. Vous êtes également vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique. Et donc, vous arrivez avec ce livre, chez Belin, qui s'appelle « Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre ». C'est un ouvrage dans lequel vous revenez sur les origines donc, de nos ancêtres européens par le biais des armes pour évoquer donc les conflits et les sociétés anciennes. Les auditeurs nous rejoignent avec les questions pour vous. Franceinter.fr est le mot-clé d'attaque. Rappelez-nous d'abord, Anne Lehoeuf, où vous nous emmenez. D'abord, tiens, dans ce récit, parce que le cadre géographique est quand même assez vaste. Hein. Oui, le cadre géographique est vaste, c'est l'Europe, on va dire, dans son ensemble, du Danube jusqu'à la pointe bretonne, jusqu'à l'Écosse vers le nord, la Scandinavie, très importante pour ce sujet, et puis jusqu'aux confins méditerranéens, sans oublier les Alpes, très riches également. C'est une Europe qui ressemble beaucoup à celle que nous connaissons aujourd'hui, oui, ou pas ? Oui, à cette époque, oui. On est là pour la naissance de l'épée. On est entre le XVIIe et le XVIe siècle. Les traits de côte sont à peu près ceux d'aujourd'hui, alors qu'aux époques plus anciennes, évidemment, c'est différent. Mais ça ressemble à peu près à ce qu'on connaît. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. On est d'accord. Qu'il n'y ait pas de malentendu sur le début de notre conversation, puisque vous êtes spécialiste de la proto-histoire. Alors justement, ça correspond à quelle période exactement ? Parce qu'on ne connaît pas bien cette période-là. Non, c'est un mot compliqué, oui. Un petit peu encombré avec plusieurs définitions. Et donc, du coup, c'est ni la préhistoire du paléolithique, ni le temps de l'Antiquité marqué par d'autres épisodes et par l'écrit. On est donc dans une période intermédiaire qui commence avec le néolithique et le début de l'agriculture, la sédentarisation, l'élevage. Donc, 10 000 ans ? 10 000 ans pour l'Europe, 10 000 ans en arrière pour une partie importante qui commence du côté du Proche-Orient. Pour l'Europe la plus occidentale, on est plutôt au 6e millénaire avant notre ère. Ouais. Et la proto-histoire se termine donc avec le 1er siècle avant notre ère. Et donc, la période dont il est question ici autour de l'épée, c'est le cœur de cette période-là. C'est donc l'âge du bronze qui va de moins 2002 à 800 à peu près avant notre ère. Avec des petits décalages selon les régions, mais globalement... Ouais. On retient bien. Donc, l'âge du bronze, parce qu'on va en parler pendant toute l'émission, donc moins 2000... Moins 2002. Moins 2002 jusqu'à 800, donc 800 à peu près. Et alors, c'est la période de l'oralité aussi. Hein. C'est ce qui marque finalement aussi cette époque. C'est aussi pour ça que c'est assez compliqué, parce qu'effectivement, la documentation, les traces avec lesquelles on travaille sont des traces exclusivement archéologiques. Oui. Donc il n'y a pas de mots, les gens ne se sont pas racontés par des mots. Donc ce sont les archéologues qui sont obligés de trouver des mots pour décrire des sociétés qui, elles, n'en ont pas laissé. Mmh. En revanche, on a des traces, alors parfois très abondantes, c'est un excès parfois même de documentation archéologique, et parfois c'est très lacunaire. Qu'est-ce que vous appelez documentation archéologique, alors, pour être tout à fait précis ? Donc ce sont toutes les traces, on a l'habitude de parler des objets, et souvent des beaux objets, et on en a, évidemment pour ces périodes-là, mais ce sont également toutes les traces qui sont liées à la fabrication d'une tombe, à la fabrication d'une maison, dont il reste parfois des vestiges quand c'est de la pierre, mais quand ça a été des maisons en bois, comme c'est majoritairement le cas à l'âge du bronze, on a simplement la trace d'un trou de poteau qui un jour a existé. C'est ça. Voilà. Donc ça fait partie aussi de la documentation. Et aujourd'hui, donc la terre, la terre qui porte effectivement des informations et de la connaissance. Et aujourd'hui, en plus, on utilise beaucoup ce que l'on appelle les méthodes du paléo-environnement, c'est-à-dire que sont des traces, des pollens qui nous encombrent aujourd'hui dans notre quotidien, des graines, tous ces vestiges qui sont liés à l'environnement, le bois lui-même, des morceaux de bois, soit utilisés par l'homme, soit naturels, des charbons de bois, enfin voilà. Un grain de pollen, ça peut être pour vous une pièce à conviction, j'allais dire. C'est une pièce à conviction dans une enquête, absolument. Ah oui. Alors, moi, c'est pas ma spécialité, il y a des gens dont c'est effectivement les palynologues qui étudient ce type de traces, qui sont capables d'arriver à retrouver la couverture végétale, forestière, de déterminer la part de la forêt, la part des champs, la part de ce qui est cultivé, la part de ce qui est sauvage. Donc voilà, ça fait effectivement partie de l'enquête, ça donne un cadre à la vie quotidienne de ces populations. Ouais. Quels sont les outils modernes dont vous disposez aujourd'hui quand, par exemple, vous souhaitez précisément découvrir un site où il y a pu avoir des habitations, par exemple? passe? Comment on fait pour repérer dans le sol, aujourd'hui évidemment couvert d'une autre végétation, des traces très anciennes comme ça? Alors il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes, ce qu'on appelle non destructives ou non invasives, qui vont donc rester en surface. Parmi les méthodes très récentes, qui sont très intéressantes parce que on va au-delà du couvert forestier, il y a le LIDAR. Ça c'est un laser. C'est un laser, ouais, qui permet effectivement de détecter un certain nombre de vestiges, pas tous les vestiges, c'est-à-dire que les grandes tombes de l'âge du bronze, qui sont souvent de grands cercles funéraires, eux peuvent être repérés par LIDAR. Et en revanche, on le met où ce laser? On peut le mettre dans un avion par exemple? Oui, ouais, c'est ça. Hein. Donc on a aujourd'hui des solutions techniques de plus en plus affinées et de plus en plus petites. Donc ça c'est très intéressant. Et puis on a des méthodes, je veux dire, plus classiques d'investigation qui sont elles tout simplement des sondages et des prospections. Donc là qui vont porter atteinte au sol et qui vont permettre effectivement de détecter des traces de manière statistique qui permettra ensuite de réaliser une fouille archéologique. Alors justement, dans cette Europe de l'âge du bronze, quels sont les hotspots pour les archéologues comme vous? Où est-ce qu'il faut aller pour trouver vraiment des choses intéressantes là? Alors c'est une période... J'allais dire modeste. C'est une période qui et c'est un monde d'agriculteurs, un monde de marchands regroupés en villages, en bourgs, avec des grandes tombes et avec une occupation à l'échelle de l'Europe qui est très vaste. Donc on n'a pas de site aussi emblématique, par exemple, que l'on peut avoir pour le néolithique et le mégalithisme, qui ont été très bien conservés puisque les structures sont essentiellement en pierre. Ouais. Et donc quand on a Karnak avec les alignements, ouais, c'est un petit peu difficile quand même de ne pas les voir. C'est vrai. Pour l'âge du fer, on a des grandes tombes très très riches. Je pense à Lavaux, je pense à Vix, qui sont donc des sites emblématiques où on a pour la fin de la période des habitats qui sont de vraies villes comme les Oppida. Là aussi, c'est très visible. L'âge du bronze est plus difficile à attraper d'une certaine manière. Alors, on a des grandes tombes qui sont effectivement des grands monuments très visibles. On a des habitats, quand c'est bien conservé, qui sont là aussi tout à fait intéressants quand ça a pu être conservé dans de la vase ou au bord de l'eau. Je pense aux habitats lacustres, par exemple, dans les Alpes, ou le site extraordinaire qui a été mis au jour il y a peu de temps en Angleterre, à Must Farm, où on est dans une zone marécageuse qui a permis la conservation des organiques. Donc on a les maisons en bois qui sont de plan circulaire, et on a encore les pieux, et c'est assez extraordinaire parce que ça s'est effondré. On a l'impression d'un mikado géant qui est tombé par terre. Ouais. Et là, effectivement, c'est très bien conservé. Le bois est conservé? Le bois est conservé, le tissu est conservé, c'est-à-dire qu'on a un instantané, oui, ça fait figure d'école parce que d'habitude on n'a pas ça, oui, mais c'est ça donne à voir. C'est quasiment une photographie. C'est une photographie, hein. Ça donne à voir, ah oui, ça tout ce dingue qui nous manque. Oui. Surtout, ça, c'est très frustrant parce que, enfin, c'est à la fois extrêmement intéressant et en même temps c'est très frustrant parce que ça nous laisse imaginer tout ce qu'on n'a pas. Oui. Donc ça c'est, on a les paniers en osier, on a les vêtements tissés, on a tout. Oui. On a un instantané, ça a été injustement appelée la Pompéi du Nord, mais il n'y a pas eu d'éruption volcanique, mais c'est un petit peu la même idée de cet instantané laissé, voilà, en place. Et des choses figées, donc, et en parfait état. Figées, avec une très belle épée, d'ailleurs. Une très belle épée, voilà. À Must Farm. Alors, c'est bien, parce qu'on arrive sur notre sujet, justement, pour parler de la guerre. L'épée étant peut-être un des outils emblématiques, hein, d'une époque qui marque, justement, les premiers conflits. C'est un peu comme ça qu'il faudrait l'entendre, Anne Loerff. Alors, c'est en tout cas un objet, moi, je suis archémétallurgiste, donc j'ai eu à étudier beaucoup d'objets métalliques. Et des épées de ces époques-là, on en a des milliers et des milliers à travers toute l'Europe. Donc il y a quand même un moment où effectivement le chercheur est face à sa documentation et se dit « bon, ça doit bien vouloir dire quelque chose ». Je suis technologue, j'essaie de comprendre des chaînes opératoires, j'essaie de comprendre les artisans qu'il y a derrière la fabrication des objets, mais ces objets sont fabriqués dans un but particulier. Quand on a des épées, on peut difficilement concevoir que l'épée puisse servir à autre chose que d'aller attaquer, oui, porter atteinte, blesser, tuer. C'est pas pour face. Couper de la viande. C'est pas, hein, pour couper de la viande, c'est pas pour aller se promener et ce n'est pas non plus pour aller à la chasse. Oui. Donc là, on a vraiment un objet. On a un marqueur. Qui marque, voilà, quelque chose. On a un marqueur, on a un jalon, en tout cas très net. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça dans une course à l'armement? Il y a quelque chose, oui, de cet ordre-là. Oui. Parce que depuis cette date-là, depuis cette date-là, on n'a jamais cessé de continuer à inventer des objets spécifiquement dédiés à la guerre. Oui. Donc de ce point de vue-là, effectivement, en Europe, entre 1700 et 1600, les hommes posent quelque chose dans le temps et dans l'espace, oui, de très fort. On y revient dans un instant, évidemment, avec vous, avec les questions des auditeurs, parce que j'aimerais bien savoir, évidemment, si on peut considérer que la guerre commence vraiment à cette époque. Hein, donc, bonne il y a beaucoup de questions qui se posent. On y revient dans un instant avec vous, Anne Loerff. Shelter, c'était Broken Bells. La tête au carré sur France Inter. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur ». Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. C'est ainsi que l'égalité rompue fut suivie du plus affreux désordre. Il s'élevait entre le droit du plus fort et le droit du premier occupant un conflit perpétuel qui ne se terminait que par des combats et des meurtres. La société naissante fit place au plus horrible état de guerre. Le genre humain avili et désolé se mit lui-même à la veille de sa ruine. Voilà un texte de Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755. Mais pour parler donc de l'âge du bronze, la proto-histoire avec notre invité Anne Loerff et ce livre Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre. Il est très juste, hein, finalement, ce texte de Rousseau, parce qu'il nous parle vraiment de la naissance des sociétés. Et c'est exactement ce qui se passe avec la sédentarisation. C'est à ce moment-là que naissent aussi les conflits. Alors, toute la question est de savoir où on place effectivement le curseur. Le texte est effectivement très juste. Est-ce que l'inégalité en tant que telle crée la guerre, non pas la violence, parce que la guerre n'est pas la violence, la guerre inclut la violence, mais elle est porteuse d'un combat qui est légitimé par la société. Société qui se dote de moyens, qui se dote d'une économie, d'individus qui vont au combat, qui sont spécifiques. Donc on est sur des modèles qu'il faut évidemment affiner. Le néolithique et la sédentarisation génère. Alors on a longtemps pensé le néolithique comme étant un temps de société égalitaire et un temps de paix. On est aujourd'hui sur une vision, à travers les recherches actuelles, au sein desquelles on sait que la société n'est pas égalitaire, d'une part, et que d'autre part, il y a visiblement eu des moments de violence très forts entre certains groupes et certains individus. Avant les épées donc. Avant les épées. Toute la question, effectivement, est de savoir de quoi on parle précisément et ce que veut dire l'épée. Moi, j'ai voulu partir d'une documentation archéologique qui me disait une certitude. Quelque chose qui était une évidence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'épée, on ne peut avoir comme fonctionnalité directe que d'aller au combat avec l'épée. On peut, par ailleurs, tuer avec, j'allais dire, n'importe quoi. Des objets ou des outils qui existent effectivement au néolithique. D'où la question, à quel moment la guerre aurait pu commencer vraiment alors? Alors, ça dépend de quelle guerre on parle, dans quel type de société on parle. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas, ce que la documentation archéologique donne à voir dans les corpus que moi j'ai pu étudier, c'est que à ce moment de naissance de l'épée se met en place tout un système technologique, puisque le bronzier dédie son temps à la fabrication d'objets qui sont spécifiques à la guerre, pour des individus qui vont au combat et qui sont donc des porteurs d'épée et des porteurs d'armes, dans un système de société qui accompagne ça, qui porte ces réalisations et ces dynamiques, puisque pour faire une épée, pour faire des objets métalliques, il faut réunir en alliage cuivreux, en bronze, puisque la métallurgie naît avant l'âge du bronze. La métallurgie du cuivre existe dès le néolithique, ou la métallurgie de l'or, par exemple. En revanche, la métallurgie du bronze, des bronzes, apparaît avec cette période qui en porte le nom. Pour que ce soit possible, ça veut dire qu'il faut faire des échanges et des commerces à travers toute l'Europe, entre eux, de l'étain qu'il y a à certains endroits, mais pas beaucoup, du cuivre qu'il y a à d'autres, en un peu plus grande quantité, et donc il faut à un moment donné que des individus organisent tout ça, mettent ensemble et créer cette céréalisation là. Donc ça veut dire que on n'a pas évidemment le jour et le nom du bronzier qui a fait tout ça, mais par déduction tout ça, ce sont des indicateurs effectivement qui nous invitent à penser que là il y a un moment extrêmement fort. Romain nous dit sur franceinter.fr, vous dites Anne Loerff que l'épée a été inventée en Europe entre le 17e et 16e siècle, donc avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y avait pas d'épée en Égypte ou en Mésopotamie avant cela? Alors il y a des épées, elles sont plus courtes. La caractéristique de l'épée européenne, c'est que c'est une épée longue, donc on est au-delà de 40 cm, on a des épées qui vont jusqu'à 80-90 cm, et on est dans les représentations que l'on a, en particulier dans les pictogrammes scandinaves, on a un face-à-face entre deux individus, c'est-à-dire que c'est non seulement la création d'un objet, mais c'est la création également d'un mode de combat. Ça s'est représenté? Ça s'est représenté. Ça s'est représenté. Sur des poteries, sur les pictogrammes, c'est-à-dire que ce sont des parois rocheuses qui sont dans le paysage et où on a la représentation de combat avec un face-à-face entre deux hommes armés d'une épée, d'un bouclier, qui sont des hommes, ils sont en majorité ithyphaliques, donc le sexe est assez clairement identifiable. Ce ne sont pas des femmes qui sont dans des combats en face-à-face. Et on a ici une forme de duel qui est liée au combat et liée à la guerre. Ce que l'on connaît en Méditerranée pour des époques à peu près équivalentes, ce sont plutôt des combats en groupe sur des chars, et l'épée n'est pas au cœur du combat, ce que l'on voit en Europe. Donc on a des données qui sont différentes et des combats qui sont différents. Ouais. Est-ce qu'on peut déduire certaines choses de la place des femmes, tiens, justement, dans la guerre au temps de la proto-histoire? Alors on peut déduire, en tout cas dans la documentation que l'on a, qui sont liées aux épées et qui sont liées au mobilier que l'on a et aux sites archéologiques, qu'il n'y a, au vu de la documentation, aucune place des femmes dans la guerre. On les a pas, sur les représentations, sur les parois. On n'a aucune tombe à épée connue. Donc pour ce qui est de l'Europe occidentale, nordique, on n'a pas de femmes. Est-ce qu'elles auraient pu au moins participer à la panoplie du guerrier aussi? C'est très difficile comme type de question, parce qu'on a le résultat final. On a tendance à imaginer que le bronzier dans son atelier est plutôt un homme. Probablement aussi par analogie, par modèle ethnographique. Mais c'est vrai que les femmes sont extrêmement discrètes dans ce schéma. Allez, d'autres questions d'auditeurs. Jean-Michel demande, quelle est la définition finalement de la guerre au néolithique alors? Qu'est-ce qui incarne le conflit? Alors, la guerre au néolithique, je ne sais pas si on parle de guerre au néolithique, on parle de violence, on parle de massacre, avec, entre des populations, on est effectivement avec la naissance de la sédentarisation, la création de territoires fixes, avec une augmentation des pressions démographiques, donc un certain nombre de raisons qui peuvent effectivement aller pousser les hommes au combat, soit pour se défendre, soit au contraire pour conquérir. Donc ça, les facteurs existent. Dans la documentation que l'on a, on a des massacres d'individus ponctuels, mais réel, et on a des objets mixtes, c'est-à-dire qu'on a des objets qui peuvent servir d'outils, qui peuvent servir à la chasse, et avec lesquels on peut imaginer aller au combat. De là à imaginer, créer ou écrire et décrire par le menu une guerre en tant que telle, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Donc moi j'ai mis en perspective un petit peu dans le temps, en regardant derrière l'âge du bronze, ce que l'on pouvait faire comme hypothèse, mais je pars de la certitude que la guerre en tant que telle, elle est portée à l'âge du bronze. Alors justement, Anne Loerf, Jacques demande, qu'est-ce qui a motivé justement ces premiers conflits à l'âge du bronze en particulier? La pression démographique, par exemple, ça c'est un facteur, il y a plus de population, donc ça engendre des conflits. Ben, c'est-à-dire que probablement ça engendre des conflits, ça c'est parce que ces facteurs de pression démographique, ces facteurs de richesse, et qu'on donc, on trouve des raisons finalement classiques, qui par la suite sont théorisées par Hobbes, par exemple, on a cité tout à l'heure Rousseau, sur les raisons de guerre, mais on trouve ces facteurs-là finalement dans les sociétés de l'âge du bronze, qui sont très très peu différentes des nôtres. La compétition, la gloire, le profit, la défense, la conquête. Rien n'a changé. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Anne Loerf. You can dream this. deseo de quererse más sobre el sol. Oro inteligente alumbra a la gente donde el sol. Soleil donne, petit souvenir de l'année 88 avec Laurent Voulzy. La tête au carré. Zeus les poussait à combattre. Ainsi les troupes troyennes, groupées par devant, par derrière, étincelantes de bronze, marchaient à la suite des princes. Voilà, Anne Leurf, l'Iliade, Homère, 8e siècle avant Jésus-Christ, pour parler aussi des armes, du bronze, le jour où l'homme inventa la guerre, ça c'est chez Benoît. Comment vous êtes arrivé d'ailleurs, vous, sur le terrain guerrier, si je puis dire les choses ainsi? Par hasard ou par devoir, je ne sais pas, à force d'étudier des objets métalliques nombreux, par centaines, par milliers, parmi lesquels il y avait l'évidence d'armes, donc il a fallu à un moment donné affronter cette réalité. Ouais. Et donc ça vous a beaucoup intéressé parce que ça racontait pas seulement des armes, ça racontait aussi des sociétés. Hein. Ça racontait des sociétés et ça racontait des sociétés en partant du matériau, de l'objet, du matériau. Moi je regarde à l'intérieur de la matière, donc ça racontait le bronzier qu'il avait fabriqué. On pouvait essayer d'imaginer son interlocuteur qui l'utilisait. Et donc comme ça, de fil en aiguille, on pouvait essayer de remonter en partant finalement d'un petit rien à l'intérieur d'un objet à toute une société. Donc c'est l'histoire que vous écrivez, oui. Que vous interprétez aussi d'abord. Hein. Oui. Oui, à travers ces traces, à travers ces matériaux. Ça s'appelle de l'archéométallurgie, on parlait tout à l'heure des pollens. Chacun a des domaines spécialisés avec de plus en plus une place au laboratoire qui permet des investigations et des enquêtes extrêmement poussées. Pour aller dans le bronze lui-même. Pour aller dans le bronze, à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on va dans le bronze, justement ? On voit de très belles choses, on voit de très belles images. Alors, on voit de la corrosion, parce qu'en général, quand même, ce sont des objets qui se sont un petit peu abîmés avec le temps. Mais quand même, qui passent les époques assez remarquables. Remarquablement bien. Les alliages cuivreux, beaucoup mieux que le fer, qui souffre beaucoup plus, et moins bien que l'or, qui est relativement bien préservé encore. On voit des matrices métalliques, on voit des inclusions, on voit des allongements de choses étonnantes comme les sulfures. Donc ça donne des indicateurs sur la chaîne opératoire de fabrication. Ouais. C'est fascinant, ça fait palpiter le cœur quand on est archéologue et qu'on a l'œil comme ça. C'est un côté magique. Dans le matériau. Ouais, c'est un côté magique. On est presque dans une peinture d'art contemporain. Très très beau. En plus c'est beau. En plus c'est très très beau. Il y a de l'esthétique. Il y a de l'esthétique. Et il y a de l'imaginaire. Il y a de l'imaginaire et de la connaissance, donc tout est réuni. Vous parliez tout à l'heure de milliers d'épées qu'on a retrouvées partout en Europe. Est-ce que ça laisse penser qu'il y a eu de vrais champs de bataille aussi sur le continent ? Alors il y a deux choses. Oui, il y a certainement eu des vrais champs de bataille. Alors aujourd'hui on en connaît un au nord de Berlin. Qui est encore inexploré en partie, qui est le site de Tollens, où on a commencé par trouver des armes. On a fouillé. Alors d'abord, on pensait quelques dizaines d'individus. On est aujourd'hui plutôt sur plusieurs centaines. Parce qu'il y avait des ossements aussi. Alors on a des ossements, on a des épées, on a des restes de chevaux. Donc on a un immense terrain sur un sujet qu'on n'a pas tellement exploré en tant que tel. Les études sur la guerre, ce sont des études récentes. Les archéologues ont pris le sujet de front, en face, à partir simplement de la fin des années 90. Oh, mais c'est très récent. Donc c'est extrêmement récent. Donc on a des champs entiers à explorer. Peut-être qu'ils se sont auto-censurés. Ils n'ont pas osé parce que justement c'est un petit peu compliqué de rentrer dans les détails. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de possibles devant nous et les champs de bataille en font partie. Donc on regarde les ossements aussi avec attention parce que les blessures peuvent aussi donner des indications sur le mode opératoire. Peuvent donner des indications, tout à fait. Les ossements humains sont aujourd'hui extrêmement intéressants. Et puis l'autre type d'objet qu'on a, l'autre type d'information, ce sont toutes ces armes rassemblées dans des lieux un petit peu étonnants pour nous autres contemporains que sont les dépôts métalliques. Oui. C'est-à-dire que ce sont des ensembles où il y a quelques objets ou quelques fragments ou alors des centaines d'objets d'épées, de lingots, de haches, pourtant d'un matériau recyclable. Donc au lieu de repasser dans un creuset de bronzier, alors que c'est un matériau rare et précieux, qui suppose une économie très dynamique, eh bien ça a été mis de côté, probablement pour des raisons culturelles, religieuses, de dons aux hommes, aux dieux. On a fait ces découvertes récemment ? Alors, on a des découvertes anciennes de dépôts métalliques. On les découvre depuis le 19e siècle et on a gardé les objets. Parfois, par le passé, on a jeté des choses. Mais quand on a trouvé des épées au 19e siècle, on les a identifiées comme épées. Donc, on les a gardées dans les collections, avant que ça ne s'appelle même l'archéologie. Aujourd'hui, on les cherche plus systématiquement parce qu'on s'aperçoit, quand on les fouille professionnellement, comme on sait le faire aujourd'hui, que les objets ou les pièces, les fragments, sont agencés de manière très construite les uns par rapport aux autres. Donc, il y a un langage du dépôt très particulier. Ouais. Tout n'est pas jeté en vrac, tout s'est très bien organisé, comme si c'était une tombe, sauf que c'est un rassemblement de fragments métalliques. Ouais. Et ce langage, on le comprend parfaitement aujourd'hui. Ce langage, on le comprend de mieux en mieux. Ouais. On a encore quelques petites pages à écrire sur le sujet. Alors justement, un autre texte, on va faire un saut en Asie quelques instants, Anne Loerf, l'art de la guerre, Sun Tzu, 6e siècle avant Jésus-Christ, grand général chinois, justement, qui écrit, et c'est extrait des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Sun Tzu dit « Voici quelques maximes dont vous devez être pénétré avant que de vouloir forcer des villes ou gagner des batailles. Remporter les victoires par le moyen des combats a été regardé de tout temps par l'univers entier comme quelque chose de bon. Mais, j'ose vous le dire, les habiles guerriers ne trouvent pas plus de difficultés dans les combats. Ils font en sorte de remporter la bataille après avoir créé les conditions appropriées. Ils ont tout prévu. Ils savent la situation des ennemis, ils connaissent leurs forces et n'ignorent point ce qu'ils peuvent faire et jusqu'où ils peuvent aller. La victoire est une suite naturelle de leur savoir. Aussi, les victoires remportées par un maître dans l'art de la guerre ne lui rapportaient ni la réputation de sage, ni le mérite d'homme de valeur. Avant que la lame de son glaive ne soit recouverte de sang, l'état ennemi s'est déjà soumis. Voilà, culture chinoise, là, à l'instant, avec ce texte du 6e siècle avant Jésus-Christ. On a beaucoup écrit, justement, Anne Le Herf, sur la guerre. Ça a beaucoup fait couler d'encre. À partir du moment où l'homme a mis en place l'écriture, l'écrit, pour des raisons qui ne sont pas celles liées à la guerre, mais plutôt des raisons politiques et comptables, la guerre a effectivement été un sujet tout à fait inspirant pour les auteurs, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Antiquité européenne ou d'autres régions. Et cette appellation, en tout cas cette interprétation, cette expression, l'art de la guerre, est-ce que ça veut déjà dire quelque chose à l'âge du bronze ? Probablement, oui. Une manière de faire, parce que ça renvoie d'une certaine manière une guerre portée, organisée, pensée. Et évidemment, on n'a pas les mots pour les décrire, pour la décrire de cette manière-là. Mais oui, je pense qu'on peut, on peut en tout cas extrapoler vers l'âge du bronze européen. Alexa, justement, sur Facebook, nous dit, est-ce que l'apparition des élites à l'âge du bronze peut être une des causes de la guerre ou du moins des violences ? Alors, je ne sais pas si c'est la cause ou si c'est la raison de la poule et de l'œuf, lequel des deux. En tout cas, les élites économiques et politiques portent évidemment la guerre à l'âge du bronze. Ça, c'est une certitude. Et ça, c'est une des grandes modifications de la société aussi à l'époque. C'est l'établissement justement de ces élites. D'une certaine forme d'élite, puisqu'on mentionnait tout à l'heure au néolithique, les sociétés ne sont pas égalitaires. Donc, il y a des formes d'élites, mais des élites économiques et politiques qui organisent un certain nombre de secteurs et de divisions du travail, dont ce secteur très particulier de la guerre. Oui, ça c'est effectivement très clair à l'âge du bronze. Allez, encore deux questions qui me viennent à l'esprit, Anne Le Herf. D'abord, effectivement, qu'est-ce qu'on fabrique d'autre à l'âge du bronze quand même ? Et puis la panoplie du guerrier, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a retrouvé aussi ? Alors, il ressemble à quoi ce guerrier de Alors, ce guerrier, la proto-histoire, ce guerrier, il a une arme offensive qui est l'épée, symbolique et très forte, mais il a également des armes défensives, probablement en matériaux organiques dans un premier temps. On a des boucliers en cuir, par exemple, très bien conservés dans des tourbières dans différentes régions, en Irlande, au Danemark, je pense. Et puis, on a ensuite une panoplie défensive qui est métallique, qui est également en bronze, casque, cuirasse, protège-jambes, avec des casques tout à fait étonnants. Alors, en Scandinavie, on en a même... Alors, en Scandinavie, on a des casques assez extraordinaires à la fin du deuxième millénaire, avec une espèce de corne assez effrayante, des gros yeux, où on devait faire peur. On essayait d'impressionner aussi l'ennemi. Et puis, du côté de la France, on a des casques avec des ailerons et des portes quelque chose qu'on imagine être des plumes qu'on a découvert depuis le 19e siècle en particulier et qui ont servi avec une histoire magnifique et assez rocambolesque au prototype du casque d'Astérix. Voilà. Tout simplement. Exactement. Tout simplement. Le porte-plume, donc ça... Voilà, tout à fait. Ça naît à l'âge du bronze. Petit anachronisme, mais finalement, l'histoire est jolie. Oui, absolument. Donc cette cuirasse, cette panoplie, elle est là et on peut la reconstituer avec tout ce qu'on a retrouvé un peu partout. Alors, là aussi, on a une belle photographie finalement. On a une belle photographie. Alors, est-ce que tous les guerriers avaient exactement la même panoplie ? C'est pas sûr. Selon les cultures, ça devait changer un peu. Voilà, mais on a des ensembles en tout cas, et dans les ensembles, on voit bien qu'il y a une identité qui est à la fois en fait un prototype standard de la cuirasse et probablement une adaptation quand même à l'individu qui la portait et qui devait peut-être accompagner le bronzier dans son atelier pour la fabrication. Alors justement, qu'est-ce qu'il fabriquait d'autre le bronzier ? Alors, il faisait pas que des armes quand même. Non, il faisait pas que des armes. Les populations de l'âge du bronze ne sont pas que belliqueuses. Voilà. Les bronziers faisaient une très très belle vaisselle métallique à un moment où ils faisaient des cuirasses et des casques. Ils font des épingles également pour attacher les vêtements. C'était pour emporter de la vaisselle solide sur le champ de bataille ou pas ? C'était ça, a priori, pas ça servait forcément à quoi ? Ça, mais ça pouvait servir au banquet. La batterie de cuisine née avec le néolithique et la céramique du néolithique. Mais la batterie de cuisine en quelque sorte est raffinée avec l'âge du bronze. Et on a de grandes vaisselles qui servent à la consommation de liquide, à la conservation et probablement donc au banquet, et certaines d'entre elles finissent dans les tombes. Ouais. Et ce sont quand même, il faut le dire, des grandes périodes d'innovation technologique quand même. Hein. Ça va à une vitesse folle. Et puis surtout, ce sont des innovations techniques majeures qui n'ont ensuite jamais été remises en cause. C'est-à-dire que les bronziers d'aujourd'hui travaillent exactement de la même manière. Ils sont parfois extrêmement impressionnés par les productions de leurs très très très lointains ancêtres. Ouais. Ils sont très admiratifs de savoir-faire de très très haute technologie. Quel est le site sur lequel vous travaillez à Neuf, où vous allez aller travailler? En tout cas, Alors en ce moment, je travaille au laboratoire sur une cuirasse encore, il faut les finir, qui est conservée au musée de l'armée, aux Invalides, et voilà, qui est riche d'informations et qui vient confirmer un certain nombre d'hypothèses qui ont été faites sur d'autres cuirasses et d'autres objets. Merci beaucoup de votre venue cet après-midi dans La Tête au Carré pour évoquer donc cette époque où l'homme a inventé la guerre. C'est l'objet de votre ouvrage qui s'appelle « Par les armes » et qui paraît aux éditions Belin. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci à vous. C'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci à Fanny Boyon qui réalisait l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Et dans un instant, ce sera le retour d'Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel. Bon après-midi et à demain.